السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 144 dans l'explication du livre de Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, avec les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on continue donc à l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, parce qu'on a mentionné des exemples des ruses du shaitan envers certains individus, et comment ces gens-là pensent que ce qu'ils ont reçu c'était des karamates, alors que c'est le shaitan qui leur joue des tours. Et donc le cheikh il dit وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ يَتَصَوَّرُونَ بِصُورَةِ صَاحِبِهِ فَإِذَا قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ. Donc il expliquait au dernier cours que les gens parfois ils peuvent voir des choses, ils peuvent voir des personnes et s'imaginer que ils voient des personnes ou des choses, alors que ces personnes-là ou ces choses-là, en réalité, c'est le shaitan qui prend leur apparence et qui leur font faire des choses. Et parfois, justement, ils prennent l'apparence de quelqu'un pour tromper la personne. Mais lorsque tu récites Ayatul Kursi, à chaque fois que tu commences à réciter Ayatul Kursi, eh bien, tout ça, ces choses-là s'en aillent. Et ces choses-là disparaissent. Et il dit ensuite, وَأَعْرِفُ مَنْ يُخَاطِبُهُ مُخَاطِبٌ وَيَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَيَعِدُهُ بِأَنَّهُ الْمَهْدِيُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il dit, je connais des gens, qui entendent quelqu'un qui leur parle, ils entendent des voix. Ils entendent des voix, quelqu'un qui leur dit, je suis de l'ordre d'Allah, du commandement d'Allah. Et ils lui promettent que c'est lui le Mahdi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé. Donc ça, c'est des exemples, parfois, comment le shaitan, il joue des tours à certains égarés pour les tromper encore plus. Allah al-Musta'an. Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires sur ça. Il y a trois commentaires ici. Il dit, premièrement, إما أنه يحضر الشخص البعيد ويحمله وإما لا يحمله ولكن يتصور بصورته لأن الشيطان يتشكل أشكالا مختلفة وقد يتشكل بشكل إنسان وقد يتشكل بشكل حيوان بشكل طير وأشكال مختلفة. Donc il dit des fois c'est soit que la personne elle-même que le shaitan prend et puis qu'il la fait venir d'un endroit éloigné en la portant, parce que le shaitan il a la force et la rapidité, il est capable de faire des distances très grandes en très peu de temps, ou bien soit qu'il ne le porte pas mais que lui-même il se transforme en la personne, dans le sens que il va prendre son apparence. Il dit parce que le shaitan, il a cette capacité-là de se transformer, et de prendre l'apparence de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Il peut prendre l'apparence d'un être humain, il peut prendre l'apparence d'un animal, il peut prendre l'apparence d'un oiseau, donc les djinns, ils ont cette capacité-là, d'accord? Ensuite, le shaykh, il dit, لِأَنَّهَا حِسْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا وَفَقَهُ اللَّهِ وأحسن بهذه الأمور فإنه لا يغتر بها بل يخاف أن تكون من الشيطان فيبادر بالتحصن بآية الكرسي فيقرأها فيذهب عنه الشيطان. Donc le cheikh il explique ici que la récitation de Ayatul Kursi, c'est une protection contre le shaitan, c'est une forteresse contre le shaitan. Et donc, si quelqu'un, Allah lui donne le succès, une fois qu'il a expérimenté ce genre de choses, qu'il voit des choses ou qu'il entend des voix ou qu'il voit des choses surnaturelles, il ne doit pas se laisser tromper par ces choses-là, et il doit plutôt craindre que ce soit quelque chose qui vient du shaitan. Alors il se précipite à chercher la protection et le refuge des versets d'Allah, et en particulier le verset de Al-Kursi, parce que c'est yani un verset particulier sur lequel il y a des choses qui ont été révélées qui mentionnent justement que celui qui la récite avant de dormir, eh bien il y a un ange qui va le protéger toute la nuit jusqu'à ce qu'il se réveille pour que le shaitan ne puisse pas l'approcher. Donc c'est le verset 255 dans Sourate Al-Baqarah. On appelle Ayatul Kursi. Ensuite, le Cheikh il fait un autre commentaire, il dit Al Mahdi alladhi yakhruj fi akhir az-zaman min bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ali al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma fa yuqimu ad-din wa yujahidu fi sabilillah wa yanshuru al-'adl fi al-ard wa hadha sayahsul. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ولا بد أن يقع ومن علامات الساعة وهو قبل ظهور الدجال ومن علامات الساعة الكبار فالشيطان ينتهز هذا ويقول له أنا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيطان مريد أو يعيد الشخص يقول أنت المهدي. وكم حصل هذا لكثير من ممن يدعو بالمهدوية أو يدعو يدعو المهدوية. ادعاء المهدوية كثير من الناس تبين أنهم كذبة وأن ما حصل لهم إنما هو من الشيطان وغرهم بذلك. Donc le Cheikh il explique que certaines personnes, donc le shaitan, il leur vient et il leur fait croire qu'ils sont le Mahdi, ou que lui-même, le shaitan, est le Mahdi. Et le Mahdi, c'est qui en réalité? Déjà, le mot Mahdi, ça vient de Al-Huda, la guidance. Donc Al-Mahdi, celui qui est guidé. Et yani, il va sortir vers la fin des temps, et il est descendant de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la famille de Al-Hassan, le fils de Ali, radiyallahu anhuma. Et donc, il va venir, et quand il va venir, à ce moment-là, il va établir la religion d'Allah, et il va lutter dans le sentier d'Allah, et faire le jihad dans le sentier d'Allah, et il va propager sur la terre la justice. Et cela va se produire, vers la fin des temps, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ça. Et ça, c'est quelque chose qui doit donc se produire absolument, parce que ça fait partie des signes de l'heure du jugement dernier, c'est-à-dire des signes de la venue ou de l'approche du jugement dernier. Et avant lui, il va venir avant l'apparition du Dajjal. Donc le Mahdi, il va apparaître ou il va venir avant l'apparition du Dajjal. Et il dit que il fait partie des grands signes, parmi les grands signes de la venue du jugement dernier. Et le shaitan, il utilise ça parfois comme une opportunité pour essayer d'égarer les gens en utilisant justement l'information au sujet du Mahdi, puisque c'est quelque chose qui a été prophétisé. Donc lui, il vient aux gens et il dit « Je suis le Mahdi » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé. Alors que c'est le shaitan, ou bien il va promettre à la personne en lui disant c'est toi le Mahdi, et donc lui il va croire ça. Et donc il y en a, la preuve c'est que même dans l'histoire il y a beaucoup de personnes qui se sont prétendues être le Mahdi, Allah al-Musta'an. Et on en voit par exemple le Mahdi du Soudan, qui est, si je me trompe pas, il est enterré à Khartoum, au Soudan, à la capitale, dans la, je sais pas si c'est le Omdurman ou quelque chose comme ça. À la kulli hal, il s'était déclaré le Mahdi. Il avait déclaré qu'il était le Mahdi et des gens l'ont suivi. Alors qu'il n'a rien à voir avec le Mahdi en réalité. Et il y a beaucoup d'égarés comme ça. Par exemple, Al-Qadian, hein, Ahmad Al-Qadiani, Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, il s'était, avant de se déclarer prophète, il a commencé par déclarer qu'il était le Mahdi. Et la même chose aussi avec, comment il s'appelait lui? Je ne sais pas s'il s'appelait Dwight York. C'était un chanteur dans les bars, dans les clubs. Il faisait des spectacles dans les clubs de nuit. Et il est devenu musulman, il s'est converti, mais il s'est pas converti à l'islam authentique. Il s'est en réalité converti à une secte, probablement les Black Muslims ou quelque chose comme ça. Et puis il a mélangé ça avec des croyances ésotériques et raciste et nationaliste, et il a créé ce qui s'appelait à l'époque the Ansaru cult, hein, donc le culte des Ansar, soi-disant. Et donc, ils avaient un habit spécifique qu'ils portaient, et on les retrouvait surtout à New York, là où leur cheikh était justement installé. Il s'appelait Al-Imam Al-Mahdi Isa, parce qu'il prétendait être la deuxième venue de Isa, alayhi salam. Après ça, il disait qu'il était, en tout cas, il prétendait toutes sortes de choses. Et puis, finalement, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient à New York. Il avait une façon de contrôler ses adeptes. Il faisait toutes sortes de bêtises. Puis, finalement, il s'est fait démasquer et dévoiler. Alors, quand les gens ont su la réalité de son message et de son égarement, il a abandonné l'islam, hein, et il a converti sa secte en une secte juive. Donc, maintenant, il s'appelle The Black Hebrews. Hein, The Black Hebrews, c'est-à-dire les Hébreux noirs. À la kulli hal, ce gars-là, c'était un égaré, très égaré. Je me rappelle, au début, lorsque je m'étais converti à l'islam et que je suis allé à New York, au début des années 90, et on les voyait dans la rue avec des tables, et ils avaient leurs livres, ils vendaient des encens, et ils portaient un kamis blanc, hein, ils avaient une façon de s'habiller, mais il a égaré beaucoup de gens, hein, il a égaré beaucoup de gens, mais c'était un ignorant en même temps aussi. Et heureusement que, alhamdoulilah, il a été démasqué, il a même avoué ou établi qu'il n'était pas musulman en devenant justement, ou en prétendant devenir juif ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une preuve de son égarement supplémentaire. Donc il y a beaucoup de gens qui se prétendent Mahdi, d'accord? Et donc il ne faut pas écouter tous ceux qui prétendent être Mahdi. La même chose aussi avec les chiites. Les chiites, eux, ils ont aussi une idée à propos du Mahdi, mais leur idée à propos du Mahdi, elle est totalement farfelue et illusoire et complètement fausse, puisque les chiites, Rafida, ils croient que le Mahdi, il est né il y a 1200 ans déjà, et que depuis sa naissance, il est entré dans un état d'occultation, c'est-à-dire qu'il est devenu invisible et qu'il se promène depuis 1200 ans dans le monde et qu'il attend la fin des temps pour réapparaître, ok, et pour venger la soi-disant les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour se venger donc de Abu Bakr et Omar qui, selon eux, bien entendu, ont volé le khilafa. Et donc, à la kulli hal, ça c'est leur croyance, et le Mahdi, pour eux, c'est ça. Bon, ça c'est une fable, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est de la mythologie, parce que la réalité, c'est pas ça, c'est que le Mahdi, c'est un musulman parmi les musulmans, et c'est un musulman qui va venir à la fin du temps, qui descend de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et il va établir la justice, et avec Isa alayhi salam, à l'époque, quand Isa il va descendre, Isa va tuer le Dajjal, Et puis, lui, il va prier, Isa alayhi salam, il va prier derrière le Mahdi. D'accord? Donc, ça c'est l'exemple. À la kulli hal, on va continuer. Le Cheikh il dit ensuite, wa yadhharu lahu al-khawariq mithlu an yakhtaru bi qalbihi tasarrufun fi at-tayri wal-jaradi fi al-hawa فإذا خطر بقلبه طيب إن شاء الله فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد وإذا خطر بقلبه قيام بعد المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر وتحمله إلى مكة وتأتي به. Donc ici, le cheikh, il mentionne quelques exemples aussi de choses surnaturelles qu'ils peuvent avoir comme pouvoir et qu'ils peuvent employer, yani, pour essayer de, yani, tromper les gens encore. Ok? Et parmi ces choses-là, il y a le fait que, par exemple, ils vont penser dans leur cœur à vouloir faire quelque chose, à contrôler ou à, yani, avoir le contrôle sur les oiseaux, sur les sauterelles, quand ils sont des nuages de sauterelles dans les airs, eh bien, juste à penser à ça, et les oiseaux ou les sauterelles, elles vont à gauche ou à droite de la façon que lui l'a voulu. Comme s'il avait un contrôle sur les essaims de sauterelles ou les groupes d'oiseaux qui volent dans le ciel. Et s'il veut, par exemple, dans son cœur, que les moutons, par exemple, ou les animaux domestiques, ou les animaux de ferme là qu'il possède, qu'il s'endorme, il s'endorme. Ou bien quand il veut qu'il parte, il parte. Là où il veut. Comme s'il leur parlait, hein? Comme s'il avait une communication avec les animaux. Sans qu'il n'ait à faire aucun mouvement apparent. Et il peut aussi être transporté jusqu'à Mecca et elle le ramène. Donc ils le prennent, ils l'amènent là-bas, ils le ramènent là où il est. Et donc le cheikh il dit, يحضر له هذه الأشياء التي تخطر بباله. يعني يحضرها له. للغرور والعياذ بالله. Donc les shaitans ils vont leur faire ça, hein, leur permet de faire ça pour tromper ces gens-là. والعياذ بالله. Et il dit ensuite تحمله الشياطين إلى مكة ويظن ذلك كرامة من الله عز وجل مع أنها أعمال شيطانية يطيرون به في الهواء ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء فيظن أن هذه كرامة من الله عز وجل وهي في الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان وهذا كله يدل على أنه لا يغتر بهذه الأشياء ولا ينخدع بها ويجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها والتميز بين ما هو صحيح وما هو كذب من خلال الكتاب والسنة من خلال الشخص الذي تجري على يديه وتصرفاته وما هو كل من ظهر على يده شيء من هذه الأمور يبادر وينوه عنه ويظن أنه المهدي أو أنه كذا ويظن أنه عيسى بن مريم عليه السلام وكم ادعى أنه عيسى بن مريم عليه السلام من الكذب والخداع. Donc il dit le cheikh, les shayatins ils vont le porter, ils l'amener jusqu'à la Mecque, hein, et ils vont penser que ça c'est un prodige miraculeux qui vient d'Allah, alors que c'est parmi les actes du shaytan qui vole avec lui et qui l'amène où il veut. Et il n'a pas besoin d'avion, il n'a pas besoin de voiture ou quoi que ce soit. Hein? Et donc tout ça, il pense que ça vient d'Allah, alors que c'est en réalité des actes du shaitan et le shaitan qui essaie de le tromper. Et donc le cheikh il dit, c'est pour ça que tout ça, c'est pas lorsqu'on voit que quelqu'un est capable de faire des choses surnaturelles, automatiquement on s'imagine que ça veut dire qu'il est yani, un wali, ou qu'il a des miracles ou des choses comme ça. Il faut pas se laisser tromper par ce genre de choses. Et il est obligatoire de faire attention et bien vérifier et de connaître la vérité et d'être capable de distinguer entre le vrai et le faux dans ces choses-là et d'avoir le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est un mensonge à travers les preuves du Coran et de la Sunna et à travers la personne yani par rapport à la personne qui a ces manifestations-là et qui ont ce genre de contrôle d'analyser cette personne-là elle-même pour voir où elle se tient par rapport à la religion et c'est quoi yani son manhaj et sa aqidah justement et quelle est sa conduite pour justement établir que cette personne est sur la vérité ou sur le faux. Parce que c'est pas toute personne qui fait des choses surnaturelles que automatiquement on doit se précipiter et croire que cette personne est le Mahdi ou croire que c'est Isa ibn Maryam. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont prétendu d'être le Mahdi ou qui ont prétendu être Isa ibn Maryam. Et ça, c'est clair que ce sont des mensonges et yani, des tromperies de leur part. Ensuite, le cheikh il dit, وَيَأْتِيهِ بِأَشْخَاصٍ فِي صُورَةٍ جَمِيلَةٍ وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أو الكروبيون يعني الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش ويعني أي من الملائكة المقربين فيعني يقول يعني الملائكة كما يقول الله ولا الملائكة المقربون وهم حول العرش الشيطان يغر الإنسان ويأتيه بصورة جميلة ويقول أنا من الكرابيين يعني فشيخ ابن تيمية يقول ويأتيه بأشخاص جميلة صورة بأشخاص في صورة جميلة تقول له هذه الملائكة الكرابيون أرادوا زيارتك فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيجدهم بلحى الله المستعان يعني والشيخ ابن عثيمين يقول الشيطان ما يقصر في شيء من لإضلال بني آدم جميع الحيل وجميع الطرق ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يعني يأتي من كل جهة يهلك هذا الإنسان إلا من عصمه الله واعتصم بالوحي واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتصور في اللحظة يكون في صورة أمرد في صورة أمرد ثم يكون على صورة ملتحي في لحظة من باب الفتنة والقوة والخداع نعم donc le cheikh il explique ici que yani le shaitan il peut apparaître avec une forme ou une apparence qui est très belle et donc ils vont apparaître avec cette belle image, et ça j'en avais mentionné quelque chose dans les cours précédents à ce sujet-là, parce que les gens ils ont une idée que le shaitan il doit être laid, hein? Il doit être répugnant et répulsant, hein? repoussant, et sa laideur hein? Est grande. Donc ils ont cette image du shaitan. Ouais, c'est peut-être ça comme tu dis avec les films et tout. Mais le shaitan, il est capable de prendre une apparence qui est belle, parce qu'il peut se transformer comme il veut. Alors, il n'y a rien qui l'empêche de prendre une apparence d'un bel homme ou d'une belle femme, hein, et de prétendre justement qu'il est qu'il est pieux, qu'il est religieux. Regardez, quand il prend l'image, quand il apparaît aux chrétiens, il vient avec l'image de Marie, avec une, comme une femme avec un long voile, hein, et il voit l'apparition comme avec une lumière qui brille, comme si elle était une femme pieuse et pure. Et quand, c'est-à-dire que ça, c'est la réalité que Maryam alayhi salam, elle était yani une femme pure et pieuse. N'empêche que elle est morte et enterrée. Donc si quelqu'un voit une apparition d'une femme et que cette apparition qui leur dit je suis Marie, hein, eh ben ces gens-là, ils voient le shaitan en réalité, mais parce que l'image qu'ils voient est tellement belle, ils ne peuvent pas imaginer que c'est le shaitan. D'accord? Donc c'est comme ça qu'ils sont trompés en fait. Et ça peut être aussi l'image d'un homme, hein, et il se prétend être un ange parmi les anges rapprochés d'Allah ou des choses de ce genre. Et il mentionne le cheikh par rapport aux anges rapprochés, c'est-à-dire les anges qui sont autour du trône d'Allah, hein. Et donc le shaitan, il peut tromper l'être humain de toutes ces façons-là, en prenant une belle apparence et en disant qu'il fait partie des anges rapprochés. Et le shaitan, donc, il ne va pas yani couper aucun moyen qu'il peut trouver pour essayer d'égarer les êtres humains. C'est-à-dire que toutes les manières sont bonnes pour lui. Et toutes les façons sont bonnes pour lui pour essayer d'égarer les êtres humains. Il n'y a pas de limite. Donc, il va utiliser toutes les ruses possibles et tous les chemins et tous les moyens possibles pour égarer les êtres humains, il va les employer. Donc, il est vraiment déterminé et il est vraiment acharné. Hein? Et de la même manière que vous voyez aujourd'hui certains êtres humains parmi les shayatin al-ins, les diables humains, et la façon comment ils sont acharnés à combattre l'islam et les musulmans, vous dites, est-ce que c'est possible qu'un être humain soit acharné à ce point? Eh bien, dites-vous que ça, c'est seulement un exemple de l'acharnement du shaitan. Le shaitan est beaucoup plus acharné que ça, hein, pour égarer les êtres humains. Et ces êtres humains-là, parmi les shayatin, les diables humains, qui sont acharnés contre l'islam et les musulmans, eh bien, eux, ils travaillent justement pour le shaitan, pour les égarer, pour essayer d'égarer et de faire dévier les musulmans et essayer de leur rendre la religion difficile. Donc, il ne lâche pas et il va utiliser tous les moyens. Et comme le cheikh, il cite ici le verset 17 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie. Allah Azza wa Jal, il mentionne l'exemple. Qu'est-ce que le shaitan, il dit? Il dit, je vais leur venir de par devant et de par derrière eux, et à leur droite et à leur gauche. Hein? Et c'est-à-dire, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, il va leur venir par tous les chemins. Par tous les chemins. Et même, il dit dans le verset, « وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » Il y en a même par en dessous de leurs pieds. La seule voie qui reste par laquelle il ne vient pas, c'est par-dessus. Hein? Parce que le serviteur, quand il se tourne vers Allah, il se tourne vers Allah par en haut. Hein? Parce que Allah, Azza wa Jal, il est au-dessus de sa création. Et donc, c'est pour dire, yani, comment le shaitan, il va pas manquer une occasion et une opportunité pour que il soit capable d'essayer d'égarer les êtres humains et de les faire sortir de sa religion et les faire sortir du droit chemin. Ensuite, le cheikh, il dit, وَيَأْتِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. Il va venir de toutes les directions, toutes les directions pour essayer d'égarer l'être humain. Excepté celui que Allah a protégé. Celui que Allah a protégé, ça veut dire il l'a protégé par sa révélation et il l'a protégé par le fait qu'il s'est limité à suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit que le shaitan, il va arriver pour le visiter et il va prendre l'image ou l'apparence d'un jeune imberbe, d'un jeune homme imberbe. Hein? Et la personne, elle se dira en elle-même, comment est-ce qu'il vient, il prend l'apparence, l'ange vient me voir, il prend l'apparence d'un jeune, un homme imberbe. Et puis, juste au moment où il relève sa tête, il le voit avec la barbe. Donc, c'est pour dire, Yanni, à quel point il est rusé et comment il fait toutes sortes de choses comme essayer de faire la fitna. Hein, pour essayer de faire la fitna. C'est comme, je me rappelle, il y a une époque, quand on était nouveau dans l'islam, on avait, moi et des amis, remarqué justement certaines tactiques des gens de l'égarement, comment ils faisaient pour essayer d'attirer les gens avec eux dans leur égarement. Et un des exemples de ça, c'était l'exemple des témoins de Jéhovah, comment ils faisaient, par exemple, quand ils voulaient attirer des gens, ils venaient frapper aux portes des gens avec une femme, ils amenaient avec eux une femme, hein, et ils savaient que cette femme-là, elle était, hein, jolie, ou qu'elle était attirante, donc ils la mettent en avant. Et ils l'amènent avec eux pour venir frapper à la porte des gens. Comme ça, les gens vont voir cette femme, ils vont dire, ah, elle est jolie. Donc, peut-être qu'ils vont s'intéresser à elle, puis après, ils vont vouloir rentrer dans leur secte. Donc, tout ça pour dire comment le shaitan, il peut utiliser toutes sortes de moyens. Combien de gens, par exemple, parmi les koufars, même les chrétiens, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont à l'église, ils le disent même eux-mêmes. Ils vont à l'église juste pour voir des filles, hein, parce que c'est un endroit où ils savent, ils peuvent trouver des femmes. Hein, parce que eux, ils sont mélangés là-dedans. Et puis ces filles-là, beaucoup de ces filles dans les églises comme ça, hein, elles montrent qu'elles sont religieuses ou elles veulent montrer qu'elles sont religieuses, alors qu'en réalité, yani, Allah al-Musta'an, des fois, ce sont des filles naïves, comme ça. Elles se laissent facilement tromper. Donc, eux, ils profitent de ça. Ils profitent de leur innocence, de leur naïveté, comme ça, pour les tromper. Et elles aussi, des fois, elles utilisent ça pour attirer des gens, pour essayer de dire, bon, je vais les faire venir à l'église, comme ça, parce que, hein, tu les vois dans les églises, quand elles rentrent, et tu te demandes, mais est-ce que c'est un endroit pour prier ou un endroit pour la discothèque? Parce que ça, c'est pas un endroit pour s'habiller comme ça quand on va pour adorer Allah. Hein? C'est pour ça que les femmes musulmanes, elles viennent à la mosquée, tu les vois couvertes, elles sont couvertes de la tête aux pieds, on les voit même pas. Et malgré ça, elles viennent pas prier à la même place où les hommes prient. Elles vont être derrière, et derrière le rideau. Et on prie chacun de notre côté, comme ça on n'est pas déconcentré, ni les uns par les autres. Les hommes sont pas déconcentrés par les femmes, et les femmes sont pas déconcentrées par les hommes. Parce qu'elles ne viennent pas pour ça. Elles viennent pas pour voir les hommes, et les hommes viennent pas pour voir les femmes, ils viennent pour adorer Allah Azza wa Jal, et pour se rapprocher d'Allah. Alors ils n'ont pas besoin de distraction, ils n'ont pas besoin que leur esprit soit détourné par toutes sortes d'autres frivolités. Non, ils veulent se concentrer sur l'adoration de leur Créateur. Et c'est ça la sagesse derrière le fait de se couvrir et de séparer. C'est pas une question pour dénigrer ou rabaisser la femme parce qu'elle est pas digne ou je sais pas quoi. Ça c'est les excuses que le shaitan essaie de mettre dans la tête des koufars pour justement les détourner de la vérité. Mais celui qui est sincère et qui regarde les choses avec sincérité dans son cœur et qui comprend la sagesse divine, il va comprendre la raison derrière cette sagesse, elle est grande et qu'il y a des grands bienfaits dedans. Hein? Donc ça, c'est très important. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَيَقُولُ لَهُ عَلَامَةُ أَنَّكَ أَنْتَ الْمَهْدِي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لاحتاج إلى مجلد كبير وقد قال تعالى وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Donc le cheikh, il explique que يعني, la personne, le shaitan, il vient aussi, le voit, puis il lui dit, la preuve que tu es le Mahdi, c'est qu'il va y avoir hein, quelque chose, un signe qui va pousser sur ton corps. Et puis il le voit pousser ou sortir sur lui. Alors il dit, tout ça, ça fait partie des ruses du shaitan. Et il dit, ça c'est un sujet qui est vaste. Il dit, si je mentionne tout ce que je connais à ce sujet, on aurait besoin de plusieurs volumes pour écrire ça. Et il dit, hein, il cite le verset 16 dans Sourate Al-Fajr, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et lorsque l'homme a été éprouvé et qu'il lui a limité sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a humilié. Donc, le Cheikh Ibn Al-Fawzan, il explique ce passage-là, il dit, الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياسا للكرامة والإهانة فإذا أغناه الله ظن أن هذا من كرمه على الله وأنه كريم عند الله سعيد عند الله لأن الله أعطاه هذا المال ولم يدري أن المال ابتلاء وامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهو ابتلاء وامتحان والدليل على هذا أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب شوف الكافر وهو عدو لله عز وجل لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب من باب الابتلاء والامتحان فهذا الإنسان يجعل المال هو المقياس للكرامة ويجعل الفقر هو المقياس للإهانة وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاه اختبره يعني ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ابتلاه الله عز وجل يبتلي بالغنى والفقر فقدر عليه يعني فقدر بمعنى ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا قال عز وجل كلا هذا نفي ليس المال هو المقياس للكرامة وليس الفقر هو المقياس للإهانة إنما المقياس تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته فمن رزق التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله ومن حرم من التقوى ومن العمل الصالح فقد أهانه الله وهذا هو المقياس الصحيح أما المال فيأتي أو يذهب وهو بميزان كان خواص الأولياء فقراء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان يأتي عليه الأيام لا يأكل صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وكان الكفرة الجبابرة منعمين في أبواب من الطرف وأنواع من المآكل والمشارب ومنعمين فليس هذا هو المقياس فليس هذا هو المقياس. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit que l'être humain, il prend parfois la richesse et la pauvreté comme si c'était ça la référence pour déterminer qui Allah a honoré et qui Allah a humilié. Donc il pense que celui que Allah a enrichi, que Allah l'a honoré et que c'est lui qui est honoré auprès d'Allah et c'est lui qui est heureux auprès d'Allah parce que Allah lui a donné de l'argent, Allah lui a donné de la richesse, mais ce malheureux, il ne sait pas que en réalité c'est juste un test et une épreuve. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 15 dans sourate At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitna, vos biens et vos enfants ne sont qu'un test, une épreuve. Et donc, c'est une épreuve et un test de la part d'Allah. Et la preuve, que Allah, la preuve de ça, c'est que Allah, il donne l'argent à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Et regarde le kafir, le mécréant. C'est un ennemi d'Allah. Et Allah lui donne. Il dit, si vraiment cet argent, elle avait, et cette dunya, elle avait vraiment une valeur, il n'en donnerait pas au kafir. Et c'est pour ça que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si cette dunya, elle valait pour Allah l'aile d'une mouche, il n'aurait même pas donné une gorgée d'eau à un kafir. C'est la preuve que cette dunya, elle n'a pas de valeur pour Allah. Même pas la valeur de l'aile d'une mouche. Et Allah Azza wa Jal, il donne donc l'argent à qui il aime et à qui il n'aime pas, dans le but de les tester et de les éprouver. Et il dit donc, cet être humain, il ne doit pas faire de, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il ne doit pas faire de l'argent une référence pour juger et savoir qui est honoré, et qui n'est pas honoré. Ou de dire que, par exemple, celui qui est riche, il est honoré parce qu'il a de l'argent, et celui qui est pauvre, il est humilié parce qu'il n'a pas d'argent. Et Allah Azza wa Jal, il a illustré ça dans le verset, dans Surat al-Fajr. Dans le verset 15, il dit, tandis que l'être humain, lorsqu'il a été éprouvé, par son Seigneur, et qu'il l'a honoré, et lui donné plein de délices et de grâces, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Et quand il l'a éprouvé, en lui limitant et en restreignant sa subsistance par la pauvreté, wa alaykoum salam wa rahmatullah, eh bien, Allah Azza wa Jal, il éprouve les gens par la richesse et il éprouve aussi les gens par la faiblesse, par la pauvreté. Pas seulement par la pauvreté comme certaines personnes s'imaginent. Ils pensent que la richesse est toujours une récompense ou un bien ou une grâce. Alors que parfois, la richesse peut être une punition. Parce que ça peut être une source d'égarement, justement. Et donc, il dit, Kalla. C'est pas parce que ton Seigneur t'a restreint dans ta subsistance et qu'il t'a donné moins ou que tu es pauvre que ton Seigneur t'a humilié. Non. Kalla. Ça, c'est une négation. Pourquoi Allah, il nie ça? Parce que l'argent n'est pas une référence pour déterminer celui qui a été honoré. Et la pauvreté n'est pas une référence pour déterminer qui a été humilié. La seule et vraie référence, c'est la piété, at-taqwa, le fait de se préserver d'Allah en faisant des bonnes œuvres et en agissant selon son obéissance. Donc celui qui a reçu la taqwa et qui fait les bonnes œuvres, c'est celui-là que Allah a honoré réellement. Allah, il dit dans le verset, « Inna akramakum indallahi atqakum ». Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux. Celui qui a été privé de la piété et des bonnes œuvres, celui qui a été humilié par Allah. Et c'est ça la référence exacte et le comme on dit, al-miqyas, le maître pour mesurer ou pour comparer par rapport à qu'est-ce qui est vrai et faux, qu'est-ce qui est bon et mauvais, et ainsi de suite. C'est ça la bonne référence pour savoir qui est honoré, qui est humilié. En ce qui concerne l'argent, ça vient et ça va. Tu peux en avoir beaucoup comme tu peux en avoir peu. Et donc, c'est pas une référence. Quelqu'un peut être né riche et il finit pauvre sa vie. Et d'autres qui commencent leur vie pauvre et ils terminent riches. Et d'autres qui sont riches, qui deviennent pauvres et qui redeviennent pauvres ou qui redeviennent riches et ainsi de suite. La vie, c'est comme ça, des hauts et des bas. Et c'est toutes sortes de tests et d'épreuves. Mais la référence, c'est pas l'argent comme le cheikh l'a expliqué. Si on regarde une preuve supplémentaire à ce sujet-là que le cheikh il mentionne ici, il dit, regardez les serviteurs les plus pieux parmi les serviteurs d'Allah, que ce soit parmi les messagers et les compagnons des messagers, vous trouvez qu'ils étaient souvent, beaucoup d'entre eux sont pauvres. Et regardez le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il attachait des pierres sur son ventre tellement il avait faim. Et yani, il passait des jours sans manger, alors que c'est le meilleur des hommes, la meilleure des créatures. Tandis qu'en ce même moment, et pendant la même période, les koufars et les mouchriquins, hein, parmi eux, il y en avait qui étaient dans les délices et dans toutes sortes d'extravagances, hein, et de luxe, hein, et de richesse, et qui mangeaient toutes les différentes sortes de nourriture que tu peux même pas imaginer. L'empereur de Perse, l'empereur de Rome, et les têtes de Quraysh, et les rois d'Égypte et d'Éthiopie qui mangeaient à l'époque toutes sortes de bonnes choses. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le messager d'Allah, lui, il restait des jours sans manger. Donc, si c'était l'argent qui devait être la définition ou le critère, hein, c'est ça le terme, le critère pour déterminer qui est honoré, qui est humilié, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être le plus riche des hommes. Hein? Il devait avoir toutes les délices. Et le plus mécréant, c'est lui, wa alaykoum salam, les mécréants, les koufars, les mouchriquins devaient être les plus pauvres, hein, sur terre. Mais c'est pas comme ça que Allah a voulu. C'est pas ces choses-là qui déterminent, hein. Quelqu'un peut être extrêmement riche et extrêmement mécréant, comme il peut être extrêmement riche et croyant aussi. Dans le sens que la richesse, ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un est nécessairement égaré. Quelqu'un peut être sur la guidance et Allah lui donne en même temps des richesses dans cette dunya. Et celui-là, hein, il aura sa part dans l'au-delà aussi. Mais tout dépend de comment il a gagné cet argent et comment il l'utilise. C'est ça la différence. Si quelqu'un il a gagné son argent honnêtement et qu'il n'a pas fait de choses haram pour l'obtenir, et en même temps il l'utilise dans ce qui est bien et dans ce qui amène l'agrément d'Allah et ce que Allah aime, alors dans ce cas-là, cette personne, eh bien, elle est dans le bien, elle est honorée par Allah parce qu'il a la taqwa. Mais par contre, si c'est une personne qui est pauvre et qui est mécréante et mouchrique, et qui en plus refuse de remercier Allah pour les grâces, et qui insulte Allah ou qui déteste Allah parce qu'il est pauvre, il accuse Allah pour sa pauvreté et il insulte Allah pour sa pauvreté, celui-là il est pauvre, il est puni dans cette dunya, puis il va être puni dans l'au-delà aussi. Donc c'est parce qu'il a il a été châtié dans ce bas monde et il va être châtié dans l'autre. Mais le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire que tu es guidé ou égaré. Et le fait d'être riche, ça ne veut pas dire que tu es guidé ou égaré. Tout dépend de ta piété, en fait. C'est ça la référence. C'est ça le critère. Parce que l'islam, il ne blâme pas nécessairement les riches parce qu'ils sont riches, mais par rapport à qu'est-ce qu'ils font avec leur argent et comment ils le gagnent. Et en même temps aussi, on ne va pas dire que si quelqu'un est pauvre, c'est nécessairement une punition. Ça peut être une grâce aussi pour certaines personnes. Certaines personnes, comme Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça dans son livre, hein, « Uddat al-Sabirin », il dit qu'il y a certaines personnes pour qui la pauvreté est la meilleure chose. Parce que s'ils ont de l'argent, ils vont s'égarer du droit chemin. Tandis qu'il y a d'autres personnes, s'ils sont pauvres, ils ne seront pas capables de rester sur le droit chemin. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a la sagesse et qui sait, hein, à qui il donne et à qui il retient. Et il agit de cette façon-là parfois justement pour le bien de ses serviteurs parce qu'il connaît leur état et leur réalité. Allah il dit dans un verset dans le Coran, « وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ » C'est-à-dire, si Allah il avait ouvert toute sa subsistance à tous ses serviteurs, il leur a donné toutes les richesses, la barra ou fil ard, ils auraient fait la transgression sur la terre. Hein? Mais il fait descendre par mesure, hein, comme il veut, à ses serviteurs. Hein? Donc c'est ça, c'est pour leur bien. c'est pour leur bien, sinon il aurait pu faire descendre tout, hein, faire que tout le monde soit riche, et que tout le monde mange, et que tout le monde ait ce qu'il veut. Et en même temps, à la fin, les gens seraient devenus très corrompus, et ils auraient beaucoup d'égarements, plus que maintenant encore. Mais il a voulu justement qu'il y ait ça, comme c'est maintenant, pour éprouver les hommes et pour les tester, et pour voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, tu vois? Oui. De personnes, oui. Subhanallah. Ah, oh, subhanallah. Tu vois, mais oui, exactement. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a l'exemple, il y a un frère une fois qui m'a raconté qu'il y a une femme musulmane, elle est née musulmane, sa famille était musulmane, et son fils est tombé malade. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il racontait, s'ils sont allés dans une mosquée ou quelque part pour essayer de demander à l'imam de le guérir. Soi-disant, il n'était pas guéri après. Donc, ils sont allés voir un prêtre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Puis là, il a été guéri. Alors, elle s'est convertie au christianisme. Elle dit, A'udhu billah. Yani, comment tu vas changer ta religion, accepter le faux, juste parce que tu prétends, yani, qu'un tel, il est capable de te guérir. Et si c'est un bouddhiste, il va devenir bouddhiste. Et si c'est un hindou, tu vas devenir hindou. Même si leur religion est fausse, ça fait pas de sens, yani. Exactement, c'est important. Allah.